Ça vous fait rien ? Vous n'avez pas honte ? Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans 20 ans d'écart. Ah non, c'est pas le titre du podcast, aïe c'est le titre aïe du aïe film. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dès le début. Ça de passé professionnel. Putain, on va pouvoir faire des t-shirts. Je voulais être podcasteur professionnel, mais bah, tu connais le plantage sur l'intro. Bienvenue dans « Et vous trouvez ça drôle vraiment ?» le podcast où on rigole quand on l'enregistre, mais pas forcément quand on regarde les films. Wow, tagline, ça aussi, je veux des t-shirts. C'est Tom, et évidemment, je suis avec Flo. Salut Flo. Salut, ça va? Ouais, ça va. On va parler de comédie française. Ouais, alors, on va parler de comédie française, on va parler de comédie romantique. Romantique française. un genre un peu particulier, effectivement. Quand j'ai choisi ce film, la bande-annonce et le pitch me disaient « Tiens, ça doit quand même être un truc sur lequel il y a un potentiel rigolade en plus du, en plus de la traditionnelle histoire d'amour à la rom-com. Bon. » Et au final, tu as vu le bandeau EuropaCorp dès le début et t'as fait « Eh merde !» Voilà. Je m'appelle Alice Lantins, j'ai 38 ans, un boulot de rêve, une fille formidable, pas de mec, et pour tout vous dire... J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. She's got friends by the dozens. She keeps meeting new cousins. She don't need no guys. She's got more than money by. Le parking des galères de Spider. Ça, je le mets où? Je comprends pas. Je croyais que j'étais la seule en qui t'aies confiance pour reprendre le magazine. Enfin merde, qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Si tu me fais pas rêver, comment tu veux faire rêver l'électrice? T'es en train de me dire que je suis trop vieille? Elle est moche, ta caisse, petite bite. Zoé, mais ça va pas? Vous m'avez laissé un message, vous avez retrouvé ma clé USB, c'est ça? Le principe, c'est que je monte là-dessus. Vous me permettez? Oh la pute! C'est bon, Twitter, ça. Twitter, direct. Vincent, est-ce que tu crois ce genre de choses? Là, sur la photo, tu me fais rêver. Ah, t'as l'esprit rebelle. Mother, I'd like to fuck. Hein? Mother, I'd like to quoi? Tu veux que je me tape un gosse pour le faire plaisir? Tu vas faire quoi que tu te le tapes? Nuance. Qu'est-ce que vous faites là? J'avais perdu ton number, en fait. Et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. Je me souviens, quand j'avais ton âge, j'avais rencontré une calabraise splendide. Buena notte. Et surtout, elle avait deux fois mon âge. Bonsoir. Bonsoir. Je la banque, je la retourne. Je tiens. Va. Oui. En fait, tu vois, non mais c'est... Je suis désolé pour l'italien, je sais pas ce qu'il m'a pris, c'est ringard à mort. 19 ans, Balthazar, t'as 19 ans. Je sais ce que vous devez vous dire. Il est jeune, il a envie de déconner, de se la raconter devant ses potes, mais c'est pas du tout ça, Alice. Vous me plaisez. Vraiment, je veux dire, vraiment, comme c'est jamais arrivé avant. Oh, dis donc, ouais, regarde, ils ont rétréci du jardin. Donc voilà. Spoiler, hein. Oui, évidemment, de toute façon, vous êtes habitués, nous, on s'en fout, on balance bah, tout. Bah, alors... C'est une production EuropaCorp, et ça a été une surprise pour nous dès le démarrage. Oui. On va pas se mentir, parce que la prod, honnêtement, c'est pas ce que je regarde le premier. Non. Quand je choisis un truc. Hein, voilà. Mais c'est vrai que là, t'as proposé le film, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné, j'ai mis le film... Et je vois le logo EuropaCorp et je fais « Oh l'enfoiré !» Je t'ai maudit intégralement, mais minute une. Minute une. Et je dois dire que j'avais pas forcément prévu de le regarder ce soir-là. Et je me suis dit « Bon allez, pour être dans le même mood que Flo, je démarre le visionnage. » Et donc j'ai dû démarrer genre 20-30 minutes après toi, ouais. Tu vois. Voilà. Et en plus, j'ai entraîné ma chérie dans ce visionnage. Que tu voilà es. Donc je lui ai dit ouais, Virginie Efira, Pierre Niney, romcom, tout ça machin, du oh bah ouais, pourquoi pas, allons-y. Pour une fois que c'est toi qui propose une romcom en plus. Fuyez pauvre fou. Et donc, wow. 20 ans d'écart, donc c'est un film de David Moreau. Oui. Moi c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, le nom ne me parlait pas. David Moreau, il a fait... et puis après, il a fait ça aussi. Hein, et sans oublier celui-là, quoi. J'allais le dire. Si on vous donne la liste des longs métrages, autant vous dire que voilà, ça envoie du lourd. Back to Saint-Tropez. Alors, je précise que sur Wikipédia, le titre est en rouge. Hein, il n'y a aucune fiche disponible pour ce film. C'est vous dire à quel point ça doit être fantastique. Il, The Eye, 20 ans d'écart, donc Seul, King et en 2025, Other. Voilà. Voilà. À part 20 ans d'écart dont j'avais entendu parler, les autres, je n'ai absolument pas entendu parler de ces films. C'est un truc de fou. Alors, il y a de la nomination dans des festivals. Festival du film policier, festival du film fantastique, festival de Cabourg, festival international de comédie de l'Alpe d'Huez. Ah ben ça, c'est pour 20 ans d'écart, donc oui. C'est normal. Mais pour les autres... Je ferai des recherches après, mais j'ai pas l'impression que ça a été quand même des super succès. Et après, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que David Moreau s'inscrit totalement dans la vibe EuropaCorp, puisqu'en 2020, il a quand même été accusé de viol. Voilà. Alors après, pour l'instant, l'affaire. Papa X, si tu m'entends. Pour l'instant. T'es fier de moi ? Ah putain, c'est. Pour l'instant. On ne va pas en rire parce que c'est horrible. Non, c'est horrible. En vrai, pour l'instant, l'affaire judiciaire, visiblement, suit son cours. Il n'y a pas de. Oui. Mais quand même. Il n'y a pas eu. Ouais, voilà. Il y a quand même. En plus, on lisait le truc tout à l'heure. Ça s'est passé dans une soirée privée en marge du tournage. Oui, c'est ça. Voilà, super, quoi. Et voilà. Résultat, la nana, elle s'est barrée du tournage. Et c'est le chef-op qui a fini le film, quoi. Voilà, Autant te... on est sur autant un truc dire, ça... assez logique pour quelqu'un qui a fait une rom-com, j'ai envie de te dire. Sa définition de l'amour. Alors ensuite, voilà, je pense que si ça avait eu lieu avant, pas sûr que des gens comme Virginie Efira ou Pierre Niney auraient accepté de tourner avec lui. C'est vrai que c'est pas sûr. Le casting, on vous laissera seul juge de ça. Ouais, le casting est bien, franchement. Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling. Charles Berling, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Je sais pas, j'étais étonné. Ouais. Camille Japy, un caméo de François Civil, oui, qui n'était pas connu à l'époque, c'est ça. Qui joue un des étudiants. Ouais. Blanche Gardin qui s'appelle Patrick. Voilà. Blanche Gardin qui joue Patrick, un photographe. C'est tellement what the fuck. Ça vient à la fin. J'ai fait. Ouais. Mais c'est pour m'achever en fait. On est tout ça pour en arriver à la vanne de. Il y a un photographe qui s'appelle Patrick qui va arriver et c'est Blanche Gardin qui arrive. Pour ça, la photographe s'appelle Patrick. Non mais. Et là, je t'ai envoyé un message en disant Blanche Gardin qui joue une photographe qui s'appelle Patrick, c'est quand même XXL. Quand même. On est quand même plutôt pas mal. Ouais, donc, un pitch. Attendu quand même pour une rom-com. On joue sur une différence d'âge. Ok, c'est original. Personne n'avait jamais fait ça avant. Non. Et effectivement, tout au long du film, aucune surprise parce qu'on est sur le schéma tradit de la rom-com. Oui. Deux personnes qui sont pas forcément censées se rencontrer se rencontrent, se comprennent pas au départ, tombent amoureux, ont une relation, donc ça monte crescendo. Il y a une coupure. C'est la recette typique des téléfilms. Hein. Il y en a un des deux qui tombe amoureux pendant que l'autre ne l'est pas, et en fait il y a un moment dans le film où la balance va s'inverser et où l'autre va dire non, en fait j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je ne suis plus amoureux, ça commence à me saouler, et l'autre dit en fait si, moi je, et au final tout le monde est content parce que Parce que ça baise, voilà, tout simplement. Oui, voilà. À la fin. Parce que à un moment ça pète, et puis bah, comme il reste que 5-7 minutes dans le film, forcément il va falloir rattraper le truc pour que ça se finisse bien évidemment, sûr. Quoi. C'est... Hop, désolé, on a spoilé, c'est une rom-com qui se finit bien. Oh, oups. Oh là là, on est vraiment des coquins. En même temps, le film est sorti en 2013. Ça fait 12 ans, hein, donc calmez-vous. Oui, oui, oui. Ah merde, je suis sur la fiche wiki, je m'attendais à balancer le box-office. Le box-office est de 1 400 000. Pardon, il est plus bas. Oui, donc c'est bien, ça a plutôt... C'est correct. Voilà, c'est correct. C'est pas le raz-de-marée, mais en général, surtout... Enfin, voilà, début des années 2010, milieu des années 2010, quand tu dépasses le million d'entrées, t'es relativement c'est content. Bien à savoir que, aussi à l'époque, Virginie Efira et Pierre Niney, c'était pas les rostats que c'est maintenant. Clairement pas les bankables que c'est aujourd'hui. Même si Virginie Efira ont commencé à l'avoir. Ça commençait. Moi, j'étais surpris parce que pour moi, c'était une animatrice télé, tu vois. Oui, moi aussi. Alors qu'en fait, non. Elle était actrice et comédienne en Belgique et qu'elle est arrivée en France par le biais de la télévision et qu'elle est retournée à son métier de base, en fait. Après, quoi. Là, on dit ça, mais du coup, Pierre Niney, avant 20 ans d'écart. Les plus gros films qu'il a fait, c'est LOL, Les Émotifs Anonymes. Il a joué là-dedans. Ouais, il a fait Comme des Frères aussi. Et je l'ai vu, mais j'ai aucun souvenir de ce film. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça pète un peu, parce que l'année d'après, c'est là où il fait Yves Saint Laurent. Oui, c'est là que ça démarre. Effectivement. Hein. Ouais. Donc, ouais, on est quand même sur un beau score, sur un score correct pour une rom-com avec vraiment en vraie tête d'affiche qui est vraiment connue, etc. Un peu Virginie Efira à l'époque et Charles Berling, qui pourtant n'est pas dans le film non plus H24. Quoi. Oh bah c'est un second rôle. C'est un second rôle, vraiment second. Ouais. Donc oui, non, après, plutôt pas mal. Effectivement, moi, ce qui m'a... Là où j'ai pas compris, c'est qu'effectivement, le personnage de Virginie Efira travaille dans un magazine de mode et elle est en compétition avec une autre pour une promotion. Et elle, de son côté... Pour prendre la tête de l'agence. Oui, pour prendre la tête de l'agence. Et elle, Virginie Efira, de son côté, au début du film, on voit c'est boulot, enfin ça y va. Sa collègue arrive pintée comme pas deux, et puis le chef dit oh, ce sera quand même elle parce qu'elle, elle a une vie de folie. Ok, visiblement, le monde du travail, c'est ça maintenant, très bien, ok, on apprécie. Ah, tu travailles dans la mode, tu bois et tu te coques, ok, ce sera toi le leader. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, le diable s'habille en Prada. Exactement. Dans ce film. Alors, c'est pas avec des assistantes, mais clairement, la boss américaine là qu'on voit deux trois fois dans le film, c'est le même rôle que le gars. Ah bah ça y est, non. Que dans Le Diable s'habille en Prada, merde. Meryl Streep. Meryl Streep, merci. Décidément, c'est compliqué. Après je comprends, elle est pas très très connue, Meryl Streep, c'est... Non, c'est sûr, elle a pas eu d'Oscar, rien du tout, tu vois, des petits rôles. Et cette caricature en fait, ouais, de la grande papesse de la mode côté magazine qui est Anna Wintour, quoi. Oui. Puis alors là, autant chez Meryl Streep, bon, son paraître est un petit peu en décalage, autant là tu mets une photo de l'actrice et tu mets une photo d'Anna Wintour à côté, c'est quasiment la même chose. Ça. On est le magazine s'appelle Rebelle, mais il pourrait s'appeler Vogue, ce serait pareil, quoi. ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça, tu vois. C'est... Oui, c'est clair. Je pense qu'ils n'ont pas eu les droits. Je ne sais pas s'ils ont osé demander, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les droits. Il s'appelait Cosmo. bizarre. Ouais, bizarre. Mais bah, tu parles, tu dis Cosmo, mais alors, c'est quand même bizarre, tu vois, de pas les voir se boire des grands cocktails, tu vois, des grands cocktails signature là, comme dans Sex in the City ou trucs comme ça en fait. Hein, c'est... Non, mais ça aurait été carrément dans l'écriture des personnages, ça m'aurait pas dérangé. Après, c'est que ça fait peut-être trop américain aussi. Le fait de se claquer des cocktails XXL à tout moment de la journée. D'ailleurs, je pense que c'est un peu voulu parce que sa collègue avec qui elle est en compétition, elle est canadienne, donc elle vient de l'autre côté de l'Atlantique, donc elle se rince des putains de cocktails dans la gueule et c'est vas-y. Et le mec qui joue le responsable du magazine est français. Mais enfin, oui. il serait dans sa façon d'être, il est total ricain, quoi. Ah oui, très très bon film, Total Ricain. Mm-hmm. Ouais, ça va. T'es en forme ce soir. Qui c'est qui se rappelle pas de Meryl Streep, ça va, c'est pas moi. ça va, ça peut arriver. Les trous de mémoire à mon âge, tu sais, c'est... Oui, non, c'est vrai que quand on arrive dans son deuxième siècle, on commence un peu pas à... Je suis pas jeune comme toi, moi. J'ai pas 28 ans, moi, Flo. J'ai pas, malheureusement, plus 28 ans non plus. Aïe, comment j'aurais aimé encore avoir peut-être 28 ans. Tu m'étonnes. Ah là là. Bon, voilà, viens, on parle pas de ce film de merde, en fait. Oui, voilà, ouais, autant spoiler notre avis aussi. Ouais, voilà, tant qu'à faire. Et puis c'est, voilà, partons sur le film. Ouais. C'est, tu sors les rames quand même, hein, quasiment dès le début, quoi. Hein. C'est poussif. C'est typiquement... C'est poussif au possible. C'est typiquement le genre d'humour, entre guillemets, que j'apprécie pas trop. Enfin, je l'apprécie quand c'est bien fait. Là, c'est-à-dire que des fois c'est compliqué. Je pense que c'est ça qui me gêne maintenant chez Pierre Niney, c'est que il peut faire rire, etc. Mais quand il est dans ces moments-là où il est un peu gênant, un peu machin, je sais pas. Là, autant il y a eu des films où il était dans ce registre-là et j'étais ouais ok, autant là j'ai fait oh là là, je suis juste gêné de la situation et je ne trouve pas ça marrant en fait. Ouais, d'autant que en fait les péripéties d'un jeune de 20 ans, je trouve qu'en fait tout est mal écrit, tout est mal joué quoi. Après, je pense qu'ils essayent de retomber sur leurs pattes en disant oui, Charles Berling, c'est son père, mais c'est une putain de rosta de la télé, machin. Mais c'est vrai que le gamin, il a même pas 20 ans, il a 18 ans, je crois. Il est étudiant post-bac, entre 18 et 20 ans, le mec, scène 1, il revient du Brésil, il était en vacances. Bah, non, t'es étudiant post-bac, ferme ta gueule. Normalement, non. C'est impossible. Donc, Sauf si papa lui a payé les vacances. Hein. C'est un peu la solution de facilité. Bah oui. C'est la solution de facilité. Effectivement, après, on voit ce décalage qu'il peut y avoir avec Virginie Efira, où là, tu te dis, ah, ça peut être intéressant. Mais au final, tu te rends compte que, bah ouais, non, en fait, vous êtes deux adultes, et puis, ben, la différence d'âge s'estompe, et puis voilà. Le fait de qu'il y ait entre guillemets ces 20 ans d'écart, c'est juste faire prendre conscience parce que pour moi, le personnage de Pierre Niney n'évolue pas. Hein. Non, c'est absolument pas. C'est Virginie Efira qui change. Qui se jeunise un petit peu. Bah, c'est pour moi, c'est même pas qu'elle se jeunise, c'est vraiment se jeunise. Elle se transforme en Jean-Pierre Jeunet. C'est ça que j'ai trouvé gênant en fait. Non, elle se transforme en jeune. Non, moi de ce que j'ai vu entre guillemets, j'ai plus l'impression qu'elle se féminise. Ouais. Ouais, mais bah, on est quand même sur un personnage vraiment au début, enfin pantalon, chignon, talon, ouais. Enfin la base, ouais. Enfin la base. Il y a pas de base, on s'en fout, putain. Mais qui se féminise, qui commence à mettre des robes, mettre des trucs au fur et à mesure. Et je me dis, ben, Ouais, je me dis, c'est quoi ce genre d'évolution? Où est-ce que tu veux nous emmener? C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un de plus jeune que bah, t'es obligé de te féminiser comme ça, t'as pas besoin en fait. Tu peux continuer à t'habiller normal. Alors, au début, elle le fait, notamment dans la séquence où elle arrive à la fac pour l'allumer, quoi. Oui, ah oui, bah c'est totalement quand pour ça, pour mini, dire... en mini-jupe, talons, mini-jupe, veste en cuir... C'est ça, c'est pour cheveux au vent. Pour dire, bon, voilà, j'ai besoin de toi pour faire un truc. Ça va peut-être impliquer que tu me touches la quicoute. On sait jamais, hein, voilà. Mais si on nous voit, au moins on pourra dire que je suis un peu. Des glingos. Un peu une bombasse. Je suis un peu des glingos, oula. Une fois, j'ai même embrassé un mec qui avait 2 ans de moins que moi. Waouh, super. Folie. Donc ouais, non, je sais pas, j'ai pas... Enfin, effectivement, le personnage de Virginie Efira change et y a un petit grain de folie qui est apporté, mais j'ai dit oui, bah pas tant que ça, en fait, c'est juste un petit grain de folie, puis au final, elle l'a quasiment bah, dès qu'elle vient à la fac, et puis après, ça bouge pas tellement, hein, j'ai l'impression. Non. Donc... C'est un truc où les personnages... Non, parce qu'elle, malgré tout, elle reste assez plan-plan. Bah, c'est ça. Comme un quadrat, en fait. Hein. Ouais. Là, pour le coup, ça le fait bien. Ah oui, non, bah, alors, je remets pas ça en question, mais... Et c'est marrant, parce que c'est souvent... Pardon. C'est marrant, parce que je c'est t'en souvent prie, un... vomis. qu'est-ce que je disais? Oui, je dis c'est marrant, c'est souvent un biais qu'on remarque dans les films dont on parle, c'est que en fait t'as l'impression qu'ils auraient pu prendre des directions un petit peu rock'n'roll, des glingos et tout, et qu'en fait ils osent pas y aller, ils restent dans un schéma qui est ultra traditionnel de, alors là pour le coup, de la rom-com, et ça va pas chercher de la rom-com et de la comédie, c'est vraiment les deux opposés, diamétralement opposés, qui au final vont finir par s'attirer. Tu fais ouais, il y a peut-être... Non, il y a juste ce trope là pour dire viens, on fait une comédie, ou peut-être ça peut partir vraiment sur autre chose, parce que c'est vrai que quand tu regardes beaucoup de comédies, tu commences à voir le truc et tu fais oui, j'ai compris, je sais où ça va aller. Surprends-moi s'il te plaît, film, parce que là, bon. Et là, pas de surprise. Enfin, tu sais exactement où ça t'emmène. Ben... Tu vois le schéma se faire, comme tu disais tout à l'heure. Les deux courbes se croiser, le truc monter, la cassure arriver. C'est et ça. Puis, bah, il reste 5 minutes de film. Bah, les gars, c'est l'heure. Hein, va falloir conclure quand même, hein, parce que on a gentiment poussé jusqu'à 1h30 de film. Bon, bah, on vous accorde 5 minutes, mais mais pas faut conclure. Plus, hein. Vraiment, il y a un moment donné, faut arrêter, s'il vous plaît. Voilà. Mais oui, après, tu vois, j'ai même plus, je l'ai vu pourtant il n'y a pas très longtemps, hein, mais j'ai même plus de trucs vraiment. 3-4 jours. Ouais, il y a 3-4 jours. Pas vraiment de trucs notables. Enfin, il n'y a pas de trucs qui est ressorti. Si la scène où ils couchent pour la première fois ensemble, et Pierre Niney qui dit ma grand-mère, et après il part sur Jean-Luc Mélenchon et Angela Merkel. Je fais quoi? Quoi, les chiffres oui. Au début, ils comptent. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Tu fais, ok, le mec a des tocs. Et en fait, tu te rends compte qu'il dit, non, ma grand-mère. Quoi, pardon, tu fais quoi là? Non, mais en fait, le mec, il est. Enfin, t'as l'impression qu'il est puceau, quoi, en fait. Et oui. Qu'il essaye de penser à des trucs juste pour pas ben, jouer. C'est ça. Quoi, c'est puceau, moi? Là, alors, ça, c'est la meilleure. Tu demanderas à mes potes si je suis puceau, tu verras. Non mais, et tu te dis, putain, c'est merde, c'est... Mais à quel moment, quand t'es... Je l'ai écrit, quoi, j'ai dit, mais à quel moment, quand t'es dialoguiste, tu te dis, balancer Jean-Luc Mélenchon et Angela Merkel, quand t'es en train de baiser Virginie Efira, tu te dis, c'est drôle, ça oui. va faire rire les gens. Ben non. Bah, alors, nous, peut-être... Peut-être que ça, effectivement, ça nous a pas fait rire. Mais t'imagines dans une salle de cinéma ou un truc comme ça, où tu vois le film et tu te dis... alors, je pense qu'il y a deux types de public. Il y a le public qui regarde, il a dit Jean-Luc Mélenchon et Angela Merkel, ok. Et il y a l'autre qui regarde et qui fait... J'ai vraiment payé 10 balles pour ça. Ah putain... Ah non, non, non, non. C'est... Heureusement pour nous, il était sur Netflix. Hein. Alors, perdez pas de temps, hein, parce qu'il va plus rester très longtemps. Mais c'est pas... ouais, enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que... Ouais, ouais. Pas de surprise, pas de truc what the fuck. Tu sais, mais t'as même pas la... T'as même pas la, comment, la collègue ou la copine délurée, tu sais, qui va la pousser dans ses retranchements. En fait, elle décide de, comment, entre guillemets, d'avoir cette relation avec lui, parce que son chef lui dit ouais, tiens, c'est ça que je veux, c'est du déglingo, ouais. parce qu'il y a une fausse photo, en fait, qui a été postée sur Twitter, et qu'un de ses collègues de boulot lui dit ah, oh, bah ouais, tu devrais rester avec lui juste pour montrer que t'es rock'n'roll et que te taper un mec de 20 ans, ça fait bien, quoi. J'ai dit, ah, putain, c'est un peu court, quand même. Hein. Bah, c'est court, parce qu'effectivement, l'autre, elle se drogue, elle se met des grandes rasades dans la tronche, et après, voilà, il n'y a pas forcément d'histoire avec... Enfin, si, on parle aussi d'histoire avec des hommes, et ça, on appelle ça rock'n'roll, et de l'autre côté, elle, c'est juste, non, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui est jeune. Et c'est tout de suite beaucoup plus déglingo que d'être total camé. Alors, c'est et un autre... d'arriver à danser sur les bureaux. Oui, c'est un autre délire, je suis d'accord, de se camer, ouais. De machin. Ouais. Mais c'est pas beaucoup plus rock'n'roll de se taper juste un gamin de 20 ans, quoi. C'est rien, ça. C'est... Non, et puis alors le film essaye de faire une balance entre ça, en fait, et puis Charles Berling, le père de Pierre Niney dans le film, oui. qui se tape une petite jeune qui s'avère, de ce que j'ai compris, c'est l'ancienne copine de terminale de Pierre Niney. Ouais, c'est ça. Et on essaye de te montrer très maladroitement que, en fait, ce que fait Virginie Fira, ça choque, alors que ce que fait le père, ça choque pas du tout. Voilà. Hashtag Eddie Barclay. voilà, on n'avait pas eu la ref. Et il y a même, je crois, l'ex-mari de Virginie Fira, oui. Qui lui aussi se tape une jeune. Enfin, peut-être parce que, effectivement, oui, si ça t'as doit pas être compris ça, le message. Enfin... Si t'as pas compris le message avec Charles Berling, on te le fait aussi passer, oui, avec ça. Avec son ex, tant qu'à, ouais, faire. Et puis son ex, voilà. Tu vois, le mec à moto qui se la joue cool et qui est entre guillemets cool avec, parce qu'ils ont une fille ensemble, qui est cool avec sa fille, mais elle qui est la maman autoritaire, tu fais oh là là, est-ce qu'on peut être encore plus cliché, les gars, s'il vous plaît. C'est hyper relou, en fait. Oui. Alors, ouais, parce petit, que... petit. Non mais, que... non, mais sur une échelle de Love Actually, tu le situes à combien? Bah, je le situe pas loin de Love Actually quand même. Hein. En termes de nullité scénaristique, on est quand même pas mal. Je sauve un peu Virginie Efira qui donne tout ce qu'elle a sur le truc. Pierre Niney, jeune. Bon, faut aimer le style Pierre Niney. Hein. Moi, c'est Il y a des films, ça passe, et d'autres, ça passe pas beaucoup. Ouais, bah, tu vois, c'est exactement ce que je disais. C'est, moi, le style Pierre Niney, comme il fait, je pense, là, en voyant ce film, j'ai fait, ah, bah, je crois que ça commence à me lasser. Un petit peu comme le personnage de Jonathan Cohen qui fait Jonathan Cohen, là, t'as l'impression que c'est Pierre Niney qui fait Pierre Niney, pour l'instant. Et il refait dans d'autres films, mais avant, ça me dérangeait moins, entre guillemets, parce que je le voyais pas autant faire ça. Et à certains, j'ai trouvé que dans Le Comte de Monte Cristo dernièrement, tu vois, il refaisait un peu du Pierre Niney. Et c'est pour ça que le film, j'ai pas été super embarqué. Il refaisait un peu du Pierre Niney, voilà. C'est-à-dire il fait des trucs comme ça un peu gênants, un peu un peu bizarre. Alors que Boîte Noire, rien à dire. Boîte Noire, il est vachement bien dans Boîte Noire. Ouais. On est d'accord. Bon, donc il y a cet acteur là qui peut totalement te prendre dans ses personnages et t'embarquer, ouais, dans certains films et totalement avoir un effet de rejet ouais, c'est ça. Dans d'autres, et c'est très ennuyeux parce que un film avec Pierre Niney, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi. C'est ça passe ou ça casse, voilà. Et c'est vrai que effectivement Virginie Efira, rien à dire. Charles Berling, même s'il est là très peu, rien à dire non plus. Et après, c'est vrai que au-delà de ces trois-là, bah, tous les autres, bah, c'est quasi de la figure, en fait. C'est là où tu te dis, peut-être j'avais envie de voir un film avec d'autres persos que juste les deux qui se font la cour et puis les autres qui sont là pour donner des micro-conseils. De l'échange, ouais. Micro-conseils ou juste pour apporter une autre situation, machin. Et tu fais, je sais pas, creuse un peu tes personnages parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as Pierre Niney et Virginie Efira. Les courbes font que se croiser, mais en fait... les courbes se croisent, mais les personnages ne changent pas, en fait. Il y a juste un déclic à un moment donné, et c'est tout. Mais sinon, les personnages ne changent pas. Non. Même moi, je me suis pas forcément aperçu du déclic, puisque au début, elle se sert un peu de Pierre Niney, où elle tombe vraiment amoureuse. Je l'ai pas vu, ce déclic-là. Oui, on sent pas la bascule, effectivement. Si, après, c'est peut-être le moment Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est la première fois où il consomme... Ouais, et encore le lendemain, en fait, le lendemain, on la sent, enfin pour moi, on la sent gênée aux entournures le lendemain matin. C'est à ce moment-là, il y a un truc qui m'a arraché un peu un sourire. C'est quand elle lui prépare le petit déj et qu'elle lui dit j'ai plus de Chocapic, ma fille a tout mangé. Elle le considère, encore comme un gamin, quoi, en fait. J'ai pas rigolé, mais la blague, l'écriture est bonne. Oui. Voilà, désolé, j'ai plus de Chocapic, ma fille a tout mangé. Bon, c'est pas mal. Et l'autre, il lui dit mais je vais prendre un thé. En fait, je suis comme toi, je vais prendre un thé. Tu pars de Jean-Luc Mélenchon, Angela Merkel, à vraiment, littéralement, 20 secondes après, cette vanne-là, tu fais... Mais tu vois que tu sais écrire, en fait. Pourquoi tu... Ça avant? Oui. Y a pas de raison, en fait, que tu mettes ça avant, en vrai. Fais une scène... Plutôt que d'essayer de faire une scène marrante, fais une scène plutôt sensuelle. Parce que c'est ce qui va amener ta personnage principal à finalement tomber amoureuse. C'est ça. Voilà. Parce que et là, pour moi, il n'y a aucune raison dans tout le film qu'elle tombe amoureuse. Il n'y a aucune raison. Oui. Lui. Enfin, là, dans toutes les situations qui se passent et tout, lui ne fait rien pour que y ait le déclic et ce soit bim. Ok, d'accord. C'est lui, en fait, que je veux. Ouais, c'est ça. Que elle, elle essaie. Enfin, il y a des fois, elle essaye de faire des trucs, machin. Quand il y a le photographe, quand il y a la photographe, quand il y a Patrick. Quand il y a Patrick, on ne sait pas. Ouais, ça se passe mal parce que, le personnage de Patrick est littéralement imbuvable, voire même pire. Et du coup, ils commencent tous les deux à l'insulter, à dire ferme ta gueule, machin. Tu fais wow, ok, ça vient twitcher le film dans une autre dimension. Au moins Blanche Gardin le joue très très bien. Elle a 3 minutes de scène, mais c'est brillamment c'est brillamment exécuté. Hein, voilà. Donc parce que tu sens le truc partir en couille très très vite, très monté très très vite, très très haut, et c'est plutôt bien fait. Mais là, on est encore sur un moment où elle se sert de lui, et tu te dis attends, ils sont pas et c'est au moment où Pierre Niney dit c'est bon, je commence à en avoir ras le cul, je m'en vais. Qui a dit non, mais attends, mais t'as pas switché en 10 secondes en disant c'est bon, je suis amoureuse là, c'est quoi le délire? Quoi? Non, arrête. Oui, parce que si elle met fin à la relation un petit peu avant, c'est parce qu'elle se dit que de toute façon, ce truc qui dure un petit peu n'a pas d'avenir. Voilà. Oui, parce qu'elle, elle est trop vieille, en fait, elle part sur la différence d'âge. C'est ce qu'elle dit, je crois. Elle dit j'ai 38 ans, t'en as 18. Quand je vais en avoir 50, et quand j'en aurai 60, est-ce que tu m'aimeras encore? Et c'est ok. Et donc, à partir de ce moment-là où elle a cette, cette façon de penser, et comme tu le dis, il n'y a rien qui justifie son twist derrière, quoi. À part du remords. Ouais. C'est la seule explication, possible. Avec le fait de se dire, peut-être en fait, mon grain de folie, ça peut venir de ça et ça peut continuer. Donc on va voir le temps que ça va continuer et puis on y va, let's go. Ouais. Mais tu fais, oui, ok, mais on dirait plus que t'as des remords quand même. Donc c'est un peu dérangeant, je trouve. Oui. Ouais, parce que tu restes pas ou tu te remets pas avec quelqu'un parce que t'as des remords sur la situation. C'est ça. Non, il se sent retourne parce que il se sent mal. Je vais retourner avec. Oui, voilà. Alors c'est bah, le fait de se sentir mal après une rupture, c'est totalement logique. Oui, c'est normal. C'est la base. Et si toi tu retournes avec la personne parce que elle est pas bien, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Donc et potentiellement, ça veut dire que il y a peut-être un des deux qui est toxique. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc tout ça, ouais, tout ça nous amène en fait à une construction scénaristique qui est pas bonne du tout, quoi. Et autant sur certaines petites choses, certains dialogues, il y a quelques petites choses sympathiques, mais effectivement sur le fond du truc, c'est comme on l'a souvent vu dans beaucoup de trucs qu'on a regardé, quoi. Ça ressemble à beaucoup de trucs qu'on a déjà vu, quoi. Ça ressemble à The Holiday, ça ressemble à certains passages de Love Actually. Arrête. Et je te balance toutes les rom-com de Noël aussi, c'est exactement pareil. C'est pareil, sauf que là, ça se passe pas à Noël. Ouais. Spoiler! Ouais, non mais je veux dire, s'ils avaient vraiment pas voulu faire en plus original, ils auraient situé ça à cette période-là, oui, tu vois. Bien sûr. L'intrigue commençait mi-décembre et ça se terminait entre le 25 et le 1er janvier. Bien sûr. Voilà. Mieux. Ça se terminait le 1er janvier. Et la dernière scène, c'est ils s'embrassent. Au moment du passage, au moment du passage du nouvel an. Embauchez-nous, on est scénaristes, les gars. Allez, ok, j'achète ça. Écoute-nous, David Moreau. Si tu veux nous pour ton prochain film, il n'y a pas de souci. Par contre, vu le genre de mec que tu as l'air d'être, il va falloir payer cher quand même. Ouais, quand même. On prend quelqu'un qui bosse pas chez Europacorp de base. Voilà, à la base. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, Flo ? Oh bah oui. On n'a pas beaucoup parlé du film en lui-même, on a parlé autour du film, mais voilà, parce que effectivement. Après, c'est ce qu'on disait. Il y a pas grand chose. On est sur une structure classique, donc. Ouais, hyper classique. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Non, c'est ça. J'ai l'impression que plus ça avance, on a de moins en moins de trucs à dire parce qu'on a l'impression de redire tout le temps les mêmes choses à chaque fois. Ah mais attends, la rom-com, on s'y était pas encore essayé. C'est vrai. Voilà, c'est fait. Allez, on y reviendra dans 7 ans. Voilà, pas avant. Merci. Ouais, bien sûr. Bon alors Flo, il faut se poser la question. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça drôle vraiment ? Ben pas tellement en fait. Surprise ! Surprise motherfucker ! Non, pas tellement parce que déjà le Europacorp, je fais off et je pense que ça m'a un peu sorti, ça partait mal déjà. Ça bloque. Putain, quand t'es bloqué au bout de 10 secondes, en vrai, 10 secondes de film pré-générique. En vrai, c'est ça c'est le seul truc qui m'a fait marrer. Je me suis dit, ok, donc il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais faire un film Europacorp et ça va être une rom-com. Je me suis dit, le pied de nez quand même assez joli. C'est plutôt pas mal. Mais le reste, non, effectivement, ça alterne entre écriture plutôt pas dégueu et même des fois bien faite, et des passages où c'est creux au possible. Les personnages n'évoluent pas, il n'y a aucune évolution, donc y a un moment donné, tu te dis, ouais, c'est bon, peut-être on va terminer. Parce qu'au final, c'est même ça, elle s'en fout de sa promotion à un moment. Oui. Et puis c'est là où ça vrille et puis tu fais attends je comprends rien parce qu'elle est hyper carriériste et puis au final elle change alors que il y a rien qui est fait pour qu'elle change. Lui ne change pas d'un iota, on reste sur le gars, c'est pas lui, c'est elle le problème. Ça donne aussi un message de un peu c'est la femme qui est le problème dans ce film, et tu fais... C'est un peu limite, quand même. Limite. Ouais, et encore, je suis gentil quand je dis ça. Oui, non, mais c'est clair. Parce que ça implique que le personnage de Pierre Niney n'a pas à se remettre en question. Non. Alors que si, il y a des trucs qui fait que... potentiellement... Et tu termines sur ce message final. Ah bah ouais, finalement, elle laisse tomber sa carrière dans le magazine de mode pour partir sur la voie de garage, là, le magazine du bois ou des trucs comme ça, là, puisqu'il se retrouve de cède qu'elle écrit un livre. Elle écrit un livre et c'est le livre de leur histoire. Oui, elle écrit un livre. Voilà. C'est parce qu'elle a ce côté aussi écrivain un petit peu, mais elle n'arrive pas à sortir, je crois. C'est mentionné quelque part dans le film. Et au final, son livre. Mais comment dans l'imprimerie, là, où elle reçoit le carton avec les premiers exemplaires, ouais. Tu sais, celui qui est barbu, là, oui. le rouquin, là, qui parce que je pense qu'il l'a suivi. Il l'a suivi là-dessus en disant... Il bosse où à ce moment-là? Il bosse pas dans l'imprimerie. Mais comme on a dit, il y a Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, et tous les autres personnages sont juste des prête-noms et ne servent à rien. Ils servent à rien. Même lui, tu sais pas ce qu'il fait. Ah bah il est juste là pour lui souffler l'idée de merde au départ. Ouais, il est là pour lui souffler l'idée de merde. L'autre, il est là pour lui dire « Attention, tu vas peut-être pas avoir ta promotion. » L'autre, elle est là pour dire « Hé, t'as vu, je suis une grosse fofolle et puis en plus, j'ai un accent. » Et puis au final, elle voit qu'elle reprend l'ascendant et elle est « Oh là là, ben non, mais en fait, je suis sûr que tu manipules le jeune là pour avoir ma place. » Donc non, j'ai pas... Non, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas bien. Si, pardon. Donc t'as pas trouvé ça drôle, vraiment. Et toi, tu as trouvé ça drôle, vraiment? Ben, sans surprise, non, évidemment, trouvé ça drôle, vraiment. Voilà. Incroyable. Moi qui pensais que t'avais un sens de l'humour aiguisé, affûté, bah non. Ouais, bien sûr, et puis cette appétence pour les rom-coms aussi. Ah hein, bah voilà, que, voilà j'aborde grand toujours amateur. Ça j'aborde toujours ça d'un œil très, très enthousiaste. Non, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, voilà, non, c'est pas ça. Ça peut faire sourire deux trois fois, mais c'est pas le truc, c'est pas la comédie qui va te faire bien marrer et en même temps te raconter une romance sympathique et originale, malheureusement. Bah voilà, malheureusement. Donc bon, vous l'aurez compris, on n'a pas aimé. Désolé, c'est un grand non pour nous. Voilà. Alors, nous ferons paraître cet épisode le 15 avril. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des actus pour toi, Flo? Le 15 avril, il y a le 1er avril, la sortie, et c'est pas un poisson, la sortie d'un nouveau podcast en ta compagnie et en la compagnie de Jess et Storm, à savoir le podcast Date de sortie, où chaque année, on prend un mois et une année, on regarde ce qui est sorti. Alors, on regarde ce qui est sorti, mais en version large. Hein. Si c'est sorti... La version monde entier. Si c'est sorti au Brésil cette année-là, on peut faire ça. Si en 2000... En janvier 2002, en Malaisie, il y a Terminator 2 qui est sorti. On peut dire janvier 2002, Terminator 2. Il y a pas grave, de souci. On va pas se gêner. On va pas se gêner. Après, l'idée, c'est aussi des fois de mettre des films qu'on ne connaît pas forcément, mais qui nous intriguent. Dire d'éviter d'aller dans la facilité, peut-être. Oui, voilà, d'éviter de toujours aller dans la facilité et de. Comme au dernier épisode. Oh bah c'est toi qui allais dans la facilité sur le dernier, exactement pour ça que sur le premier épisode. Après tu as eu tout à fait raison d'aller dans la facilité, mais des fois pas tout le temps, voilà. Je pense qu'il y aura des moments de facilité, mais d'autres un peu moins. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est le deuxième épisode là, ça va un peu mieux. J'ai commencé à regarder les films, ça va un peu mieux. Alors, je pense qu'on va se régaler un petit peu plus. Il sortira début mai. Oui, et c'est ça. Effectivement, tous les mois, on vous proposera une sélection de 4 films. Peut-être plus si on a des invités un jour. Mais pour l'instant, déjà, 4 films. On essaye d'en parler, de dire si ça nous a plu, si ça nous a pas plu, pourquoi ça nous a plu ou pas. Et le but du jeu, comme d'habitude, c'est de passer un bon moment et de rigoler tous ensemble. Voilà. Tout à fait. Voilà. Même si Jess. Oui, même si Jess. Et vous-même, Eh bien, alors, on a enregistré tellement de trucs dernièrement que je ne sais plus dans lequel j'avais fait des annonces ou pas. Mais là, le 1er avril, donc, est sorti un épisode des Baby Graveurs. Oui. Et c'est une première, puisque... tu ne chies pas sur Hans Zimmer. Alors, si, justement, ah. et tu vas savoir pourquoi. Puisque j'étais seul à enregistrer cet épisode, puisqu'on n'a pas pu faire de soirée baby, et que personne n'était disponible pour enregistrer sur les thématiques actuelles, sur les thématiques habituelles que l'on fait. Type histoire parallèle, tirée d'une histoire vraie, ce genre d'accord. de choses. Voilà. Donc, j'ai quand même pioché dans ma liste de films. Je suis allé sur Histoire parallèle, qui est un concept où ça côtoie la réalité, mais c'est inventé. D'accord. Et pendant, ouais, ça dure. Alors forcément, le format est plus long parce que quand t'es tout seul pour te répondre à toi-même, forcément, ça va beaucoup plus vite. forcément, quand il y a deux personnes de moins, tu parles trois fois moins longtemps. Oui, voilà. Et donc, j'ai parlé de Jour de tonnerre. D'accord. D'où la musique de Hans Zimmer. Ok, ouais. Voilà. Et voilà, donc j'ai parlé de Jour de tonnerre, voilà, qui est un film de Tony Scott avec Tom Cruise, et qui se passe dans le monde de la NASCAR. Voilà. C'est plutôt pas dégueu. Et voilà, qui se regarde. Hein, oui. Voilà. Alors, c'est pas non, mais effectivement, il se regarde. On l'avait c'est pas fait. Chaleur, hein, on l'avait fait dans Qu'est-ce qui, je crois. C'est pas impossible qu'on l'ait fait pour la Zimmer, oui. Si, c'était ça. Ouais. Et donc j'ai travaillé un petit peu sur le sujet quand même, fait quelques recherches, et voilà, je mets un petit peu en parallèle ce qu'était la NASCAR avec l'histoire du sud des États-Unis, puisque c'est intimement lié et imbriqué. Tous ces rednecks confédérés là, ils nous volent le travail. qui allait voir des courses de bagnoles. Voilà, donc j'en parle pendant à peu près trois quarts d'heure. Pour essayer de remettre un petit peu en perspective ce film par rapport à l'histoire du sud des États-Unis. Waouh. Très bien. Voilà. Incroyable. Donc c'est sorti il y a 15 jours. Allez-y, précipitez-vous dessus, c'est bon, mangez-en. Autre chose ou non? Alors comme je suis un peu perdu dans la timeline, je ne sais pas si notre intervention chez l'ami Rémi et Erwan de Nanarologie sera sortie. Ah bah si, c'est le premier. Si, c'est sorti le premier c'est aussi. Le premier aussi, c'est sorti le premier aussi. Effectivement, donc on a triple quadruple actu. Allez. Vous allez pas vous emmerder, les amis. Non. Non, c'est vrai que le nouvel épisode de Nanarologie qui sort le 1er avril. On a été invité pour parler d'un chef-d'œuvre, d'une pépite, qui s'appelle je pense qu'on peut le dire comme ça. Le Führer en folie. Mmh. Donc voilà, c'est un film qui est sorti dans un les années 70. Un film français. C'est français, monsieur. C'est la police française. Et qui allait le voir. Il est sur YouTube gratuitement, ça dit tout. Voilà. Oui. Comme Doute, chronique du sentiment politique, le Führer en folie est sur YouTube et gratos. Et ça dure à peu près le même temps. Hein. On a passé un moment compliqué. Oui, alors le visionnage était compliqué, mais on a passé un moment délicieux avec Erwan et Rémi à parler de ce truc. Évidemment. Et on a un peu exorcisé notre visionnage. C'est ça. C'est ça, et je pense qu'on sera de retour dans un autre épisode de Nanarologie bientôt aussi, quand on sait pas, mais on a déjà eu une invitation pour une prochaine fois, je crois. Absolument. Donc voilà. Il nous reste à nous projeter sur le prochain épisode, Flo, et c'est toi qui as le choix du roi. Oui. As-tu réfléchi à quelque chose? J'ai réfléchi. Oh, je vois ton air malicieux que tu as réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai un film. Parce que c'est vrai que depuis le début, on est allé sur du clavier, on est allé sur du bourdon, on a fait du Toledano Nakash. Je vais prendre un autre duo, on va faire du Delépine Kervern. Ah! Et on va prendre Le Grand Soir. Eh bien, je n'ai pas vu ce film, ce sera moi une non découverte. Plus. D'accord. Moi non plus. Donc voilà, Le Grand Soir. Eh bien, écoute, pour le 15 mai. Pour le 15 mai, ce sera le grand soir. Le grand soir. Et puis, peut-être que pour le 15 juin, il faut qu'on cale ça avec lui, mais comme il nous a fait un petit appel du pied, on fera peut-être venir Storm. Oui, voilà. La boucle sera bouclée, nous aurons Storm. Pour un film que toi et moi, on a déjà choisi. On a déjà choisi. Évidemment, on ne va pas annoncer ici, puisque comme on est deux bons gros salopards, on lui enverra le film trois jours avant l'émission pour pas qu'il ait trop le temps de réfléchir, qu'il ait pas beaucoup de recul dessus. La recette habituelle, quoi. Oui. Parce que Storm, nous sommes deux vilains garçons. Storm, si tu écoutes cette émission, on est désolé d'avance. Bisous, cœur sur toi. love. Et bien là-dessus, merci beaucoup. Ça fait du bien d'avoir des épisodes comme ça, là. Oui, voilà, exactement. Et bien, merci beaucoup, Flo. Ben, merci à toi. Voilà, et on vous dit au mois prochain. Yes, salut à tous. Ciao. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et vous trouvez ça drôle?